Mais d'après ce que tu dis, on n'est pas. Ça ne dépend pas de notre pouvoir. Ça dépend de votre vibration. Ça dépend de votre vibration. Puis votre vibration, il faut que vous en arriviez un jour à être suffisamment dans votre énergie, dans votre vibration, dans votre mental, dans votre conscience centrée pour savoir par vous-même où vous allez. On est dans une maudite illusion qui naît du fait qu'on a l'impression qu'on va être donné quelque chose. On va être donné rien! Je vous le dis, on est donné rien! C'est bon pour les spiritualistes, donner les témoins de Jéhovah, les gens qui sont dans les religions. On va les donner rien. Tu sais qu'il y en a tellement peu qui vont passer à travers. Ceux qui vont passer à travers, ils sont su, sont connus, c'est enregistré. Ils vont avoir la vibration. Ceux qui n'ont pas de vibration, ils meurent automatiquement, continuent sur notre planète. Éventuellement, ils fusionnent anyway. Ça, c'est pas grave. Faut pas s'occuper. Faut s'occuper d'être heureux dans ce vie-ci. C'est ça qui compte. Le reste, ça vient tout seul. Mais si tu t'occupes pas d'être heureux dans ce vie-ci, réellement heureux dans ta peau, bien dans ta peau. Le reste, être fusionné pour fusionner, penser à l'état. La vraie harmonie, finalement, comment tu l'as définie, toi? La vraie harmonie, c'est la conscience qu'on a d'être sûr d'être sûr. Quand t'es sûr d'être sûr, t'es dans l'harmonie, John. Parce que tu peux plus souffrir de rien, ni mentalement, ni émotionnellement. Ben, c'est ça, mon frère, on ne peut plus souffrir de rien. Faut que tu battes, c'est fait. Vous n'avez pas le choix de vous battre. Plus ça dépend de vos centres d'énergie, ça dépend de chacun de vous autres, il n'y a pas une personne pareille. Mais plus vos centres d'énergie s'ouvrent à l'énergie, plus vous êtes évolué, autrement dit, plus vous allez vous battre. Plus vous allez évoluer, plus vous allez vous battre. Et à un certain moment, tu arrêtes de perdre. Tu gagnes tout le temps. Moi, je gagne tout le temps. À 99,9%. Puis à 84, je gagne tout le temps. J'en cause qu'à 84 pour gagner tout le temps. Mais je peux pas gagner tout le temps encore parce que la vie serait trop facile pour moi. En 84, je vais gagner tout le temps. En attendant, ça me tient un champ d'énergie si je peux faire mes affaires. Parce que si je gagnerais tout le temps, je voudrais pas d'aller de séminaire. Je gagnerais tout le temps. Je pense que la plus grande révélation que j'ai faite à l'homme, c'est de faire réaliser à l'homme que les forces en dehors de l'homme, sur les autres clans de l'homme, c'est des chiens. Un gars qui comprend ça, il comprend. Un gars qui comprend pas ça, il comprend rien. Puis on est mauditement spirituel. C'est ce qu'il y en a qui disent. Il y en a qui s'asseyent des fois et disent dans la tête, maudit chien, puis là, ils vibrent, ben, ils vibrent tout croche. Ils sont gênés. Ils ont-tu fait de la peine? Parce qu'on est des yo-yo. Parce que nous autres, on a un désavantage. C'est qu'on ne connaît pas l'avenir. Si tu connaissais ton avenir, oui, si tu savais qu'en 1904, tu vas passer dans l'éthérique, papa, tu pourras en passer des situations, ça ne te dérangera pas. Mais vous ne le savez pas. Vous êtes tous dans deux jours, m'as-tu passé, m'as-tu pas passé? Fait que vous ne savez pas. Mais quand tu le sais, t'es un autre paiement. Tu peux en passer des situations, puis des situations, puis des situations, puis des situations. Puis c'est quand qu'on ne le sait pas. Puis le fait qu'on ne connaît pas notre avenir, ça fait pas, c'est un package deal, ça. Parce que quand tu commences à connaître ton avenir, quand tu peux connaître ton avenir, il faut que tu connaisses tout de ton avenir. Les gens n'ont pas rien assez solide pour ça. Le gars, il verra la belle-mère qui meurt à telle année, le beau-père qui meurt, la fille qui a un accident, puis le mari qui sac son camp. C'est mieux d'avoir les reins solides pour connaître votre avenir. D'ici à ce temps-là, vous êtes mieux de rester de même. Ça, c'est comme les gens qui s'intéressent à leur karma. Comme je disais, si vous étiez des Kaiser puis des Napoléons, là, vous êtes contents, là. Et si vous êtes des petits trucs en Afrique, t'es gratté, là, vous n'êtes pas content. Des meurtriers, là. Fait que l'ego, c'est quelque chose. L'ego, c'est de la niaiserie. L'ego, c'est de la niaiserie pure. De la niaiserie pure. Pure! Mais,

Tu peux pas en sortir de ce champ d'énergie-là. Une fois que les sens sont ouverts, ça dure son temps. Mais au moins, vous avez tous les points de référence pour comprendre ce qui se passe, fait que vous ne capotez pas. D'abord, vous n'êtes pas capable de capoter quand vous êtes là-dedans. Vous avez l'impression de capoter. Ça, ça vous fait capoter encore bien vite. Tant que vous avez peur de capoter, vous êtes sujet à capoter. Dans votre propre illusion. Puis ensuite, ils changent de champ d'énergie, puis là, vous êtes correct. Là, vous faut capoter encore. Ils ont du fun avec vous autres. Puis chaque fois, ça pointe. Ah oui. Ça pointe. Le pire, c'est que tu réalises que c'est pas pour lui, mais après. Ouais, c'est bien vrai. Plus vous devenez conscient, là, quand vous devenez bien intelligent, là, vous voyez d'avance. Vous voyez d'avance. Fait que là, ils peuvent plus t'accrocher. Ils vont essayer. Ils vont tout essayer. La lumière essaye toujours.